Et tout de suite, du coup, on accueille Marie Vachette pour le tout dernier meilleur horoscope de ta vie, dont je suis présentement en train de lancer le jingle. Est-ce que d'abord, attends, je voulais... Ça va ? Ouais. Ouais, bon, jingle. Aujourd'hui, dimanche 21 avril 2024, dernier jour du meilleur horoscope de ta vie. L'horoscope expérimental et éphémère, l'horoscope qui se compose au gré du vent, ici et maintenant. Alors aujourd'hui, je te propose de choisir le signe de ton choix et de composer ta journée selon ton envie. C'est le dernier jour du festival. Tout est possible. C'est le dernier jour du festival et le moment de vous remercier. Merci à vous pour votre écoute. Merci Emma, merci Antoine, merci toute l'équipe du festival. C'était bien. Voilà, c'était bien, tout simplement bien. À la radio, on dit souvent qu'on ne voit rien et qu'on entend tout. Et donc... En fait, je me disais, en écoutant, on peut voir. Et donc, je vous propose de voir, de nous voir. Et donc, faut imaginer qu'on est à la salle communale de Plainpalais, à Genève, dans le hall. Et donc, il y a Antoine avec un casque sur les oreilles. Il y a Emma avec un casque sur les oreilles. Il y a Vania à côté de moi, il y a plein de micros partout, il y a des écrans, des machines, il y a des fleurs, il y a un joyeux bordel, il y a un espèce de petit tapis rouge sur la table, il y a des stylos, il y a des cailloux, il y a des instruments de musique. Et puis, au milieu de tout ce bordel, il y a des fraises et elles sont très rouges. Et ça donne envie de les manger. Et en fait, on est comme un peu aimanté par ce rouge. On se dit, mais c'est fou de voir que ça sur cette table, des fraises. On se demande ce qu'elles font là, comment elles sont arrivées ici. Et on n'ose presque pas les manger, mais elles sont très belles. Et voilà, c'était la dernière chronique. À bientôt, portez-vous bien et merci. Ciao. Merci. Attends. Merci beaucoup, Marie Vachette. Merci, Marie. Et toi, tu restes aussi là, on mange ensemble lundi. En tout cas, une fraise. Mais ça veut dire qu'on peut choisir notre signe aujourd'hui. Ah ouais, trop bien. Emma, toi, t'es quoi ? Qu'est-ce que t'aimerais être aujourd'hui comme signe ? Hérisson. Hérisson ? Ouais. Hérisson, ascendant ? Ascendant, je sais pas, ascendant moquette. Ah, félicitations. Et toi ? Ben moi, marronnier, parce que ça fait un petit moment qu'on se regarde comme ça, donc peut-être qu'on s'échange. Moi, je deviens marronnier, ascendant, qu'est-ce que j'ai un peu sous les yeux ? Ah, machine à écrire. Comme ça, on fait un lien avec le fanzine. C'est pas mal. Ouais, c'est vrai, parce que dis donc, ce fanzine, il y a vraiment une grosse prod là tous les jours. Et je suis en train de faire d'ailleurs une petite collection des 8 numéros actuellement. Aujourd'hui, il y en a 2 qui vont être produits.